Pandnamai, ou le livre des conseils de Ferid et Dinatar. Chapitre 56. Des signes auxquels on connaît l'insensé. Trois caractères pour reconnaître l'insensé. Il néglige le souvenir de Dieu, il a pour habitude de parler beaucoup, enfin il est lâche et paresseux dans le service du Seigneur. Mon fils, n'imite point la folie de l'insensé, ne perds pas un seul instant le souvenir de Dieu. Celui qui ne pense point au Seigneur, marche par sa folie dans une voie qui l'égare. Ne détourne jamais le coup des préceptes de Dieu, garde-toi de saisir la robe d'un homme libre pour quelque dette. C'est-à-dire, de le traîner devant le juge, et d'attenter à sa liberté. Mon fils, ne baisse point la tête devant l'insensé, ne prodigue point un fou les trésors qui ne doivent être confiés qu'à des hommes. C'est-à-dire, n'offre point à la vue de l'insensé les secrets des saints et des amis de Dieu. Ne murmure point contre le décret du ciel, regarde tous les hommes du côté le plus favorable, et ne méprise personne. N'étends point la main sur ce qui ne t'appartient pas, c'est-à-dire, ce qui t'est étranger et qui ne te regarde point. N'étends point la main sur le bien de l'orphelin. Les moralistes musulmans insistent fortement sur la justice et les égards dus aux orphelins. Saadi s'exprime ainsi à ce sujet, dans son Boustan. Étends ton ombre sur la tête de celui à qui la mort a en relevé un père, secoue la poussière qui le couvre, et arrache l'épine qui le blesse. Ne sais-tu pas quelle est la cause qui l'abat et lui ôte les forces? Un arbre privé de sa racine se couvre-t-il jamais d'un vert feuillage? Quand tu vois un orphelin abattu et dans la tristesse, garde-toi de baiser le visage de ton fils. Je pense que cela veut dire, ne baisse pas ton fils en ce moment, de peur que cela ne lui porte malheur. Si un orphelin est dans les larmes, qui s'occupera de gagner son affection en le consolant? S'il se laisse aller à la colère, qui le ramènera par de sages avis? Prends garde qu'un orphelin ne pleure, car les cris de l'orphelin font trembler le trône de Dieu. Essuie ses larmes avec bonté, ôte avec une tendre affection la poussière qui cache ses traits. Il a perdu l'ombre qui couvrait sa tête, recueille-le pour l'élever sous ton ombre. Au temps où je reposais la tête sur le sein de mon père, j'égalais le monarque couronné. Si une mouche s'était posée sur mon corps, une multitude de personnes se seraient empressées de la chasser. Aujourd'hui mes ennemis m'entraîneraient en captivité, sans qu'aucun de mes amis se mît en peine de me secourir. Je sais ce que souffrent les malheureux orphelins, parce que, dans mon enfance, mon père m'a été enlevé. Autant qu'il sera possible, ne révèle point ton secret à ton ami, quand même tu serais seul, qu'il ne sorte point de ta bouche. Veux-tu être libre et heureux? Si tu es sage, tâche de n'avoir point de désir. La fable suivante, tirée de l'Envari Sohili, a pour objet les hommes qui, ne mettant point de borne à leurs désirs, perdent souvent ce qu'ils possédaient, en poursuivant un objet qu'ils ne réussissent point à obtenir. Un âne qui n'avait point de queue, sentant un jour plus vivement que d'ordinaire cette privation, se mit à parcourir le pays pour chercher une queue. Il courait ainsi, sans rien dire, lorsque par hasard et sans le vouloir, il passa à travers un champ ensemencé. Il fut aperçu par hasard du laboureur, qui sautant sur lui, lui coupa les deux oreilles. La pauvre bourrique cherchait une queue, elle n'en trouva point, et perdit les deux oreilles. Telle sera à la fin la récompense de quiconque ne sait pas retenir son pied dans les limites qui lui conviennent. Chapitre 57. Des caractères du scélérat. Ce qui signifie proprement un prévaricateur déterminé, un homme méchant par caractère, et qui se fait un jeu du crime. Ces trois qualités caractérisent le scélérat et lui sont naturelles, il trouve son plaisir dans le crime, et ce sont là les délices de son cœur, son occupation est de faire du mal aux hommes. Il se tient soigneusement éloigné des sentiers de la justice. Saadidi, dans le Gulistan, livre 8, il est bon d'exercer la générosité, mais garde-toi de mettre un emplâtre sur la plaie du méchant qui tourmente ses semblables. Celui qui épargne un serpent, ignore qu'il se rend coupable d'injustice envers le genre humain. Le même écrivain raconte dans l'ouvrage déjà cité, livre 2, l'anecdote suivante. Un roi connu par son injustice demanda un jour à un religieux, « Quelle est la plus excellente entre les pratiques de religion ?» Le religieux lui répondit, « Pour toi, c'est de dormir au milieu du jour, afin que, pendant ce seul instant, du moins, tu ne maltraites pas les hommes. » Vers. J'ai vu un homme méchant endormi au milieu du jour, j'ai dit, cet homme-ci est un fléau public, il vaut mieux que le sommeil s'empare de lui. S'il est un homme qui vaille mieux endormi qu'éveillé, la mort d'un tel homme serait préférable à sa vie, qui n'est employée qu'à mal faire. Saadi fait ici allusion à une parole de Mahomet, qui a dit, le tumulte dort, malheur à quiconque le réveillera. Le même Saadi, dans son Boustan, fait encore allusion à cette parole de Mahomet, mais pour entendre ce passage, il faut savoir que le mot qui, comme on vient de le dire, signifie trouble, tapage, révolution, fléau public, se dit souvent d'une beauté qui, en excitant les désirs de beaucoup d'amants, devient une source de dispute et de rivalité. Saadi, après avoir rapporté l'exemple d'un prince nommé Abdelaziz, qui, dans une année de disette, avait vendu, pour venir au secours de ses sujets, un diamant de grand prix, s'exprime ainsi. Si le roi dort paisiblement sur le trône, je ne pense pas que le pauvre puisse goûter un repos tranquille, si, au contraire, le monarque veille durant la nuit, les hommes jouiront d'un sommeil délicieux et paisible. Grâce en soit rendue à Dieu, c'est dans cette voie droite et excellente que marche la Tabak Abou Bekr, fils de Saad. Sous son règne, on ne voit en Perse aucun autre sujet de trouble que la taille des belles, rival de l'astre de la nuit. Avec quel plaisir j'ai entendu ces cinq distiques que chantait, il y a quelques jours, un homme d'esprit. Hier, disait-il, je jouissais de tout le plaisir de la vie, en serrant dans mes bras une beauté ravissante. Lorsque je vis sa tête appesantie par l'ivresse du sommeil, je lui dis, ô beauté, devant laquelle le cyprès paraît petit et humble, écarte un moment le sommeil qui engourdit tes yeux, semblable au narcisse languissant. Ris avec la douceur du rosier dont les fleurs se développent, parle avec l'accent charmant du rossignol. Pourquoi dors-tu, ô toi le fléau de notre âge? Viens, et apporte-moi le doux nectar de tes lèvres, qui le dispute au rubis éclatant. Elle ouvrit les yeux, et jetant sur moi un regard que troublait encore le sommeil, elle me dit, tu m'appelles un fléau, et tu m'exhortes à m'éveiller. Au jour où le trône est rempli par un sultan éclairé tel que celui qui nous gouverne, ce fléau est le seul qui ne dorme point. Chapitre 58. Des caractères d'un réprouvé. Signifie à la lettre un homme dévoué au malheur, un réprouvé. On le prend aussi pour un libertin, un brigand, un vaurien. Il est trois signaux que l'on connaît un réprouvé. Sa folie le porte à manger sans scrupule les choses défendues par la loi, il ne s'embarrasse ni de pratiquer les purifications prescrites, ni de se lever à l'heure de la prière, enfin il évite la société des savants. Mon fils, garde-toi de fuir les savants, si tu ne veux point être brûlé par le feu de l'enfer. Ne dis de mal de personne, évite de parler de toi devant les hommes. Si tu as la connaissance de Dieu, ne mets point ton or sous les verrous, garde-toi de fermer ta porte à celui qui te demande l'hospitalité. Dans le Boustan, Saadi recommande de pratiquer de son vivant les œuvres de miséricorde, tant pour mériter par là le bonheur de la vie future, que pour s'assurer le secours des autres, si l'on vient à tomber soi-même dans le besoin. Voici comment il s'exprime. Pourvois à tes besoins pendant ta vie, car, après ta mort, le parent avide qui héritera de ton bien, n'aura pas le temps de s'occuper de toi. Distribue ton or et tes richesses aujourd'hui qu'ils t'appartiennent, après toi tu n'auras plus aucun pouvoir sur ces biens. Ne veux-tu point avoir le cœur inquiet et troublé, que les malheureux, et les soins qui les agitent, ne sortent point de ta pensée. À toi de distribuer aujourd'hui ton trésor, demain tu n'en auras plus la clé dans ta main. Emporte avec toi les provisions pour ton voyage, ne compte point sur de tendres soins de la part de ta femme et de tes enfants. Celui-là a enlevé de ce monde la boule du bonheur, allusion au jeu du mail, qui emporte avec lui quelque chose pour l'éternité. Dans la douleur, personne ne me soulagera aussi bien que ma propre main. Mets tout ce que tu possèdes sur la paume de ta main, ne l'enfouis point, de peur que demain tu ne te mordes les doigts dans ton désespoir. Occupe-toi à couvrir la nudité du pauvre, pour que l'indulgence de Dieu jette un voile sur tes fautes. N'éloigne pas de ta porte l'étranger sans lui accorder quelque secours, de crainte qu'un jour, réduit à la condition d'étranger, tu n'ailles mendier aux portes d'autrui. L'homme sage soulage le nécessiteux, parce qu'il craint d'avoir lui-même un jour besoin d'assistance. Jette un regard de compassion sur le malheureux dont le cœur est abattu, car toi aussi tu verras peut-être ton cœur plongé dans l'abattement. Réjouis l'âme des affligés et pense au jour de l'affliction. Tu ne vas pas solliciter des secours aux portes des autres, en reconnaissance de ce bienfait de Dieu, ne chasse pas de ta porte celui qui réclame ton assistance. Sois fidèle observateur de la pureté, et fais-en l'objet de tes soins, pense aussi aux épreuves douloureuses par lesquelles tu passeras dans le tombeau. La croyance des musulmans qui se qualifie du nom d'orthodoxe est, dit Monsieur d'Herbelot, que les hommes sont jugés aussitôt après leur mort, et qu'avant la résurrection générale, ils sont tourmentés dans leur sépulcre, lorsqu'ils l'ont mérité par leur péché. Ils appellent cette peine le supplice du sépulcre. C'est une fable que les musulmans ont empruntée, comme beaucoup d'autres, des Juifs. Chapitre 59. Des signaux que l'on reconnaît l'avare. Mon ami, l'avare se fait reconnaître à trois signes, je vais te les apprendre, garde-toi d'en perdre le souvenir. Il redoute la rencontre des mendiants, sans cesse il appréhende la faim et en tremble de peur, enfin, s'il rencontre dans le chemin une personne de sa connaissance, il passe avec la vitesse du vent, en lui criant, « Soyez le bienvenu !» Aussi personne ne tire-t-il aucun secours de ses richesses, et il est rare qu'on reçoive quelques mets de sa table. Saadi, Dans le Gulistan, chapitre 6, raconte l'anecdote suivante. Un homme riche, mais avare, avait un fils malade. Des amis lui dirent, il serait bon de réciter pour lui un Coran entier, ou d'offrir une victime et de la distribuer aux pauvres, peut-être Dieu lui rendrait-il la santé. Le père, après un moment de réflexion, dit, mon troupeau est bien loin, il vaut mieux réciter un Coran, ce qui peut se faire à l'instant. Un homme sage l'entendant, dit, la raison de cette préférence, c'est que le Coran est sur le bout de sa langue, et l'or au fond de son cœur. Vers. Hélas, qu'il en coûterait à un tel homme pour soumettre son cou au joug de la piété, s'il fallait ouvrir en même temps la main de la libéralité. S'agit-il de sacrifier une seule pièce d'or? Il reste immobile comme un âne embourbé, mais si on ne lui demande qu'une fatia, il en récitera 100. On appelle Al-Fatiha, le premier chapitre du Coran, c'est comme si nous disions réciter un pater ou un ave maria. Chapitre 60. Comment il faut demander ce dont on a besoin. Ne t'adresse point, dans tes besoins, à l'homme dont le visage n'annonce rien que de sinistre, demande plutôt ce qui t'est nécessaire à celui dont la physionomie est belle et agréable. Si un fidèle a recours à toi, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour le satisfaire. Porte toi-même tes demandes aux pieds du sultan, si tu veux qu'elles soient exaucées, ne t'adresse pas à ceux qui gardent sa porte. Ne te réjouis point de la mort de tes ennemis, ne te plains point d'un homme devant un autre homme. Saadi raconte dans le Gulistan, livre 3, ce qui suit. On avait conseillé à un homme nécessiteux de s'adresser, pour obtenir quelque assistance, à un riche de la ville. Il suivit ce conseil avec répugnance. Arrivé chez le riche, il vit un homme d'une figure désagréable, aux lèvres pendantes, au visage rébarbatif. Il se hâta de sortir sans ouvrir la bouche. « Que faites-vous ? » lui dit-on. « Je lui fais grâce de son aumône, » répondit le pauvre, « en faveur de sa figure. » Vers. Ne va pas exposer tes besoins à l'homme qui a la dureté peinte sur le visage, car son mauvais naturel sera pour toi un supplice. Veux-tu confier tes peines à quelqu'un? Choisis pour cela un homme dont l'aspect soit déjà de l'argent comptant, et soulage ta douleur. Saadi a dit dans le Gulistan, ne te réjouis point de la mort d'autrui, car ta fin n'est pas fort éloignée. On trouve encore dans le Gulistan, livre 1er, l'anecdote suivante sur le même sujet, quelqu'un vint apporter à Nouchirevan le juste cette bonne nouvelle, que Dieu avait retiré à lui un de ses ennemis. As-tu ouï dire, lui demanda le roi, qu'il me laisse pour toujours. Vers, je n'ai pas sujet de me réjouir de la mort de mon ennemi, car ma vie aussi ne sera point éternelle. Markemdanarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR et Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.